week-end sur Arc FM. La radio 100% de tube. La vraie sagesse aujourd'hui, elle est bafouée. La vraie sagesse aujourd'hui, elle est moquée. On se moque de la vraie sagesse dans le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est parce que l'homme est devenu orgueilleux. Et tellement orgueilleux, dans un monde tellement immergé, plongé dans le péché, on se rend même plus compte de l'orgueil de l'homme. On se rend même plus compte de la folie de l'homme. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le temps où l'homme se croit le plus fort, qui croit qu'il peut tout faire, tout contrôler, et pourtant, c'est le temps où il n'a jamais été aussi fou, du moins du côté de Dieu. Parce que plus l'homme se croit fort, plus l'homme alors se croit indépendant de Dieu, croit pouvoir vivre sans Dieu, alors l'homme se détache de Dieu et subtilement, sans s'en rendre compte, on arrive à une civilisation qui est aujourd'hui à son paroxysme, le mystère de l'iniquité qui arrive à son comble, des hommes et des femmes qui croient pouvoir vivre sans Dieu, qui ne se soucient même plus de connaître Dieu. Des hommes et des femmes, et c'est ça le comble, à qui ça ne vient même plus à l'esprit de se poser la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vivant? Des gens qui peuvent, sans aucun souci, dire, oh, moi je verrai bien, est-ce que Dieu existe ou pas? On verra bien. Et ça, c'est une folie pure, vous voyez, qui est la marque de notre temps. Et c'est un signe des plus forts, des plus profonds, des plus grands, que le Seigneur est à la porte. Parce qu'on a une génération pour laquelle Dieu ne va plus user de patience. C'est moi, la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. L'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un parmi vous pense être fou selon ce siècle. Il dit si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. Donc si vous pensez faire partie de ceux qui selon ce siècle sont des personnes moyennes, des personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales, l'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas, la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment faire toutes ces choses-là. Ici, et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu, elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. Si quelqu'un est dans une assemblée et il est la tête, il est à la tête et il s'appelle pasteur, il est et toute son assemblée contre Dieu qui se croit servir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une assemblée dans la Bible dirigée par un seul homme. Donc il faudrait que ça soit un groupe. C'est un groupe d'hommes. Maintenant, remarquons très bien la raison pour laquelle c'est au pluriel. C'est justement pour savoir que c'est au pluriel. Nulle part vous n'allez voir aucune église dans la Bible dirigée ainsi. Donc ce n'est pas néo-testamentaire. Deuxième chose, c'est que les églises dans le Nouveau Testament sont autonomes et indépendantes absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un apôtre qui fonde un ministère. En fait, regardez, nous sommes ici. Dans cette ville d'Édouard particulièrement, il y a tellement d'apôtres dans les assemblées. Vous dites, je suis apôtre dans telle assemblée. Il n'y a pas un apôtre dans l'assemblée. Ça montre clairement leur origine. Il n'y a pas d'apôtre d'assemblée parce que l'apôtre veut dire envoyé en avant. Ils partent fonder. Après avoir formé, ils établissent les anciens. Et c'est le modèle de la Bible. Et après cela, ils quittent les lieux pour aller. Maintenant, nous avons les apôtres avec le ventre boulimique qui se restent là-bas pour délaisser, délecter des dîmes et des offrandes des fidèles en nommant ses enfants et autres là, en la batterie et autres. Tout cela va changer. L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien, mais quand tu fais sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Toi seul pouvais me libérer. laquelle un individu dispose au même moment de plusieurs partenaires sexuels. Pour une femelle ayant plusieurs mâles, on parle également de la polyandrie. Pour un mâle ayant plusieurs femelles, on parle de polygynie. La polygamie est plus spécifiquement associée à l'homme. En sciences humaines, le terme polygamie est souvent employé par abus de langage pour désigner la polygynie. Dans de nombreux pays, ce terme n'est pas ou peu employé. Le terme est formé à partir de deux mots grecs, polus qui signifie plusieurs et gamos signifiant mariage. Pour cette raison, le terme peut désigner indifféremment le fait d'avoir plusieurs maris ou plusieurs femmes. Le terme polyandrie et polygynie sont donc étymologiquement et sémantiquement incorrects, mais sont de plus en plus usités pour discriminer les deux pratiques. La polygamie, appellation familière, s'oppose à la monogamie. De nombreux pays tolèrent la polygamie sans l'encourager ouvertement. C'est le cas non seulement de la totalité des pays à forte population musulmane, à l'exception de la Turquie, interdiction en 1926, et de la Tunisie, interdiction en 1957, mais également de quelques pays animistes africains. Quelques États autorisent aussi la polyandrie, c'est-à-dire avoir plusieurs maris pour une seule femme. La polygamie est une pratique mal reçue en Occident, au point que de nombreux États la reconnaissant comme un délit. La polygamie est aussi critiquée dans des groupes dans lesquels elle est pratiquée. En Belgique, la polygamie est interdite, mais le 26 juin 2008, un arrêt de la Cour constitutionnelle interdit toute discrimination envers les enfants sur base de la polygamie. Les enfants ne sont en effet pas responsables de la situation maritale de leurs parents, mais le législateur a le loisir de limiter le rassemblement familial des personnes dont le mariage est contraire à l'ordre public belge et à celui d'autres pays membres de l'Union européenne. Au Canada, la polygamie a été confirmée comme illégale en fin 2011 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La liberté de religion ne vient pas légaliser cette pratique dont il est jugé qu'elle cause un tort considérable aux femmes, aux enfants, à l'institution canadienne du mariage. Ainsi, les gens de cette province pratiquant la polygamie sont susceptibles de poursuites criminelles. L'ONU demande à ses États membres de légiférer pour interdire la polygamie qui a de graves conséquences pour les femmes et les enfants. Tant la Commission des droits de l'homme que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ont estimé que les mariages polygames constituent une discrimination à l'égard des femmes et ont recommandé de les interdire. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Le thème ce soir, c'est la polygamie. Familièrement appelée polygynie. Non, déjà même il faut pas penser à être polygame parce que ce n'est même pas d'abord bien. Ça va te ralentir vraiment l'évolution. Ça ralentit beaucoup l'évolution. Ouais, bon, à l'époque encore avec les parents, ils savaient comment adapter. Mais aujourd'hui, avec les temps qui courent, c'est pas plutôt évident. Ce n'est même pas bien. Actuellement, il faut chercher à avoir une seule et la maintenir à la maison. C'est tout ce que moi je peux dire là maintenant. Bon, un parent qui est déjà polygame, je ne sais pas quel conseil je peux encore lui dire. Tout simplement, c'est qu'il essaie seulement de maintenir la paix dans son foyer, de faire en sorte que les gens puissent vivre en harmonie. Parce que généralement, avec les femmes, ce n'est pas très facile de les gérer à la maison. C'est pas très facile. Comment un pasteur peut avoir plus de femmes? Il ne mérite même pas le titre de pasteur, celui-là. Qu'il arrête directement cette histoire. C'est comme il dit qu'il va prêcher là, qu'il arrête directement. Il n'est pas pasteur. Il n'est même pas un peu pasteur. Là-bas, c'est un filou, il n'est même pas pasteur. Ça n'a même pas de sens. Comment il peut avoir plus de pasteurs? Comment il peut avoir plus de femmes? C'est un filou là-bas, il n'est pas pasteur. Qu'il arrête et qu'il ferme même sa boutique de l'église là, il n'est pas pasteur. En fait, la polygamie, ça fait partie des relations humaines. Il y en a qui choisissent d'avoir plusieurs femmes. Hein. La polygamie, avant, c'était parce que nos grands-parents avaient besoin de la main-d'œuvre. Hein. Donc, ils voulaient faire plusieurs enfants pour pouvoir faire le champ. Enfin, et même dans certaines régions ici, c'est plus vous avez beaucoup d'enfants, plus vous avez des enfants, plus on vous respecte. Donc, vous pouvez avoir plein d'argent, mais si vous n'avez pas. Parce que vous imaginez, vous ne pouvez pas aller faire une guerre si vous n'êtes pas nombreux. Donc, là, la politique de nos parents avant, c'était d'avoir plusieurs enfants. Donc, du coup, plusieurs femmes. Et parce que c'était d'abord, comme je disais, la main-d'œuvre. Hein. Donc, moi, personnellement, ça fait partie des choses pour lesquelles nous avons vécu. Moi, j'ai vécu dans une famille polygamique. Donc. Mais c'est un choix. Je dis que c'est un choix. C'est un peu comme il y en a qui préfèrent boire la bière, d'autres préfèrent boire les jus, d'autres préfèrent boire du whisky. Je n'ai pas apprécié ou à déprécier. Moi, je sais que c'est un état de fait. Les gens, il y en a qui préfèrent la polygamie. C'est comme dans les religions aujourd'hui. Il y en a qui sont catholiques, d'autres qui sont protestants, d'autres qui sont d'églises réveillées. C'est un choix. Voir en Afrique de l'Ouest, c'est même quelque chose de naturel. Une femme, parce que même chez les musulmans, un homme peut marier jusqu'à 4 femmes, a le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Donc. Sérieux, pourriez-vous devenir polygame? Pourquoi pas? Mais en accord avec la première femme. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. l'islam a autorisé au moins 4 femmes. Donc, c'est permis, c'est bien, c'est normal. Parce que quand tu as 4 femmes, vois pas ce qui va te pousser d'aller chercher encore les femmes dehors. Que Dieu refuse que non, ça là n'est pas bien. Mais pour être en ligne, tu te maries 4 femmes, c'est autorisé. Donc, on a conclu que pour empêcher, pour éviter l'adultère, oui, ils aient 4 femmes. Oui, 4 femmes, chacun dans les doigts chemins. Tu ne peux plus sortir, aller faire le péché dehors, alors que c'est ça qu'on invite. Au village, chacun peut épouser la femme comme il peut, comme tu peux nourrir. Ne dis pas que je peux épouser 2 femmes alors que tu es capable de nourrir 2 femmes. Ils vont aller sortir faire le péché et le péché là c'est pour toi. Mais quand tu te sens capable que tu veux construire la maison, parce que dans la 10, comme on dit, pour épouser 4 femmes, tu es capable de construire 4 maisons pour le maître là. Chacun dans sa maison. Toi le père, tu es au milieu. Donc c'est autorisé d'épouser à ta force comment tu veux le nourrir. Parce que quand ils viennent chez toi maintenant, ce n'est plus eux qui vont te nourrir, c'est toi maintenant qui tombe malade, c'est toi qui vas soigner. La polygamie, c'est réellement une perte d'énergie. Vous n'êtes pas centralisé, ça c'est quoi? On ne peut pas diriger une maison avec deux femmes à la fois. Hein? Vous savez, on a l'habitude de dire que nous les femmes, hein, tu as une femme à la maison, une deuxième par derrière, la deuxième c'est pire qu'un véhicule. Il y a l'essence, c'est une perte d'énergie. Et les malheureux qui vont souffrir à la maison, ça c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Et puis la Bible elle-même, elle déclare, tu quitteras ta maison et tu auras retrouvé celle-là qui est quelque part. Là. Il n'a pas dit tu quitteras la maison pour aller prendre toutes les femmes du monde. Ce n'est écrit nulle part. Parce que nous marchons avec il est écrit. Comme il n'était pas écrit comme ça dans la Bible. En tout cas, vraiment, ce sont des hallucinations. Interdiction pour ceux qui suivent la Bible. Hein. Et ceux qui veulent vivre comme des animaux, hey, ils ont le choix, hein, comporter comme des animaux. Hein. Mais nous, enfants de Dieu, c'est interdit. Ça ne peut même pas s'effleurer la tête d'avoir 2 femmes. Ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Vous faites quoi là? Vous rendez, vous peuplez le monde des malheureux. Ça ne se fait pas. Mes yeux. Comment on peut aimer des personnes en un même cœur? Impossible. Je veille sur mes yeux. Je veille sur la polygamie n'est pas interdite au Cameroun. La loi du Cameroun a prévu la polygamie. Donc on ne va pas être contre la loi. Maintenant, ça dépend de chacun de faire son choix dans l'engagement de la polygamie. Celui qui accepte d'épouser 2 épouses, qui peut les gérer. Le seul problème de la polygamie, c'est qu'il faut avoir les moyens pour gérer les 2 épouses. Parce que, certes, dans la Bible, la polygamie n'est pas autorisée. Dans les Saintes Écritures, ce que je peux retenir des Saintes Écritures, les Saintes Écritures condamnent la polygamie. Mais comme on sait quand même que il y a certaines grandes personnalités de la Bible qui avaient plusieurs femmes dans l'amour, le grand amour que Dieu nous a laissé. Le cœur qui bat ne peut pas aimer 2 personnes. Le cœur doit aimer 1 personne. La deuxième personne n'est que pour combler un désir. Mais même si on a 2 femmes, on a quand même une balance en déséquilibre. Une femme qu'on aime plus que l'autre. L'appréciation que je fais de la polygamie est une appréciation négative. Parce que moi-même, je n'accepterai jamais être polygame. Parce que je sais ce que ça peut apporter comme problème. Le polygame n'est jamais tranquille. C'est vrai, ceux qui ont l'argent peuvent dire qu'ils sont tranquilles parce que les femmes n'habitent pas dans la même maison. Chaque femme est dans son département, dans son appartement. Et c'est l'homme qui les visite à chaque fois là, peut-être. Mais quand vous êtes polygame et que vous n'avez pas les moyens, ou les 2 femmes sont censées habiter dans la même maison, vous ne resterez jamais tranquille parce que au-delà de vous, les enfants aussi en souffrent. Leur condamner, c'est aller trop parce qu'il n'y a que Dieu pour les condamner. Mais pour moi, je ne trouve pas que c'est bon. Mais pour la loi camerounaise, ils sont libres d'avoir plusieurs femmes. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. 6 71 02 04 86 6 91 60 02 84. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme. L'émission c'est que la crainte de l'éternel soit sur nous. Énième rendez-vous avec Lynn Landry qui assure la partie technique avec lui. On ira jusqu'à 21h50. Le frère Junior est en compagnie. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM, la radio des grands défis. Ah, ça va bien? Très bien. D'accord. Bon. Frère Junior, on a passé toute une semaine à apprécier, à recevoir des nouvelles, à vivre des événements qui ne sont pas du tout, à rire. Ce n'est pas du tout réjouissant pour notre pays. On a une femme qui décède devant l'hôpital avec ses jumeaux, oui. Et une autre qui tente de la sauver en opérant. On a un jeune homme qui s'égorge dans un supermarché. Oui. On a du côté de la Côte d'Ivoire une attaque terroriste sur la plage. Oui. On a à Bonabéry sur le pont une femme qui tente de se donner la mort avant un grand cadre d'une société de la place. Parce que de la place. Oui. Comment dire de cela, Frère Junior? j'ignore en tant qu'homme spirituel. Ah, mais qu'est-ce que vous avez remarqué sur mon habillement, c'est soit fleuri. Ah, j'ai un drapeau camerounais avec un drapeau camerounais. Voilà, et c'est écrit là-dessus, Jésus aime le Cameroun. Ah, d'accord. Il faut que les autorités, comme vous en avez dit, il y a des signes dans ce pays-ci qui sont en train de signaler des choses. Il faut que les autorités de ce pays se comprennent que nous sommes sur des dominations spirituelles. Et il va falloir que non seulement les chrétiens en découlent avec cela, mais que les autorités de ce pays-ci prennent leur responsabilité. Parce que tous ceux-là qui sont en train de faire entrer les esprits et manifester, comme nous avons dénoncé les sectes pernicieuses ici et puis les crimes rituels, qu'on fasse attention parce que le droit de Dieu est sur le Cameroun. Donc vous dites en fait que tout ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a eu invocation d'esprits impurs que... Je vais profiter de l'occasion pour signaler au gouvernement et à tous ceux de ces autorités qui sont venus écouter maintenant. Je parle particulièrement pour la région du littoral, que des gens se préparent. Je porte le drapeau sur moi parce que je porte le deuil de ce pays. Ah, je porte le fardeau de ce pays-ci. Ceux qui sont dans la localité du Mongo, dans le département du Mongo, qu'ils fassent attention parce que des esprits sont descendus là-bas. Et ces deux esprits vont en découdre de façon bizarre. Donc des événements vont commencer à arriver du côté de Mongo. Je sais exactement la localité. Les esprits vont commencer à en découdre là-bas. Mais sur le plan humain, on va voir que ce sont les hommes qui sont en train de le faire. Mais pourtant, les esprits sont là-bas. Donc les esprits sont en train de... Ceux qui sont du côté de Mongo, les chrétiens qui sont là-bas, qui se réveillent pour prier. Pour ce qui est de la porte d'entrée du Cameroun, du littoral, il faut que les autorités préviennent, se préparent à des éventualités, des choses bizarres qui vont arriver parce qu'en réalité, il y a des situations qui vont arriver dans cette ville et dans ce pays où on aura les aides étrangères, l'aide venant des étrangers qui vont venir et ça ne suffira même pas. Donc il faut qu'on fasse attention. Il faut la repentance, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on a de faire sur ce pays. C'est vrai que ce n'est pas trop le débat de ce soir, c'est-à-dire donc tout ce qu'on a vécu, c'est une manifestation démoniaque. C'est un signe précurseur. Ah, d'accord. C'est un signe précurseur de quelque chose qui vient d'arriver. Qui annonce quoi? Quelque qui annonce le cataclysme. Négatif, dépressif. Il n'y a jamais de détresse, c'est qui est positif. Ah, d'accord. Ce sont des détresses de grande envergure qui ont de se préparer. Donc, malheur à ceux qui sont dormis sur les lauriers parce que ça va toucher tout le monde. Donc, il faut qu'on fasse attention. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les chrétiens qui vivent dans le péché se repentent et vivent dans la sainteté. Que les pasteurs qui vivent le concubinage et vivent dans le péché, qui se repentent parce que le Dieu des armées est en train de s'élever sur ce pays-ci. Si les gens dorment sur les lauriers en prenant la paix, en comptant sur les hommes, en comptant sur les forces humaines, le moment arrive où les puissants des ténèbres vont en découvrir aussi avec eux sur ce pays. 6-71-02-04-85-6-91-60-02-84. Lim Landry est avec nous qui assure toute la partie technique de l'émission ce soir. Le Frère Junior aussi est notre invité constant et permanent avec lui ce soir. On parlera de la polygamie, Frère Junior. Oui. Vous avez écouté l'élément sonore qu'on a écouté avant d'introduire l'émission. Oui, il y a des personnes. J'ai pris des notes. Je vous avais remarqué, j'ai pris des notes là sur, concernant ces vox pop. Allons-y donc avec vos notes avant d'embrayer avec les questions-réponses et aussi l'élément sonore qu'on s'écoutera qui sont les propos d'un pasteur qui a 7 femmes dans son répertoire de femmes et qui défend la polygamie avec véhémence régionale. Oui, nous notons, je note d'abord dans le vox pop que nous avons suivi qu'il y a des différentes positions, les positions sont mitigées selon qu'on se trouve dans un camp ou dans un autre. Mais lorsqu'on regarde là-bas, on voit effectivement qu'il y a une tentative d'explication de la mise en place de la polygamie. D'autres pensent effectivement, comme l'un des auditeurs a dit, qu'il s'agissait qu'en grande partie dans nos traditions de la recherche de grand nombre d'enfants pour les mains d'œuvre. Et nous avons vu effectivement comment d'autres a dit que ça dépend des choix de la religion, exactement comme dans la religion, quelqu'un peut choisir être catholique ou protestant. Mais nous avons vu le cas de musulmans, d'un musulman qui a parlé, effectivement, comme le Coran le dit, il a des hadiths qui stipulent particulièrement par rapport aux 4 femmes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le Coran dit effectivement qu'on ne peut pas aimer justement les 4 épouses de la bonne manière. C'est ce que le Coran enseigne. Même si il ne peut pas être équitable. C'est écrit littéralement dans le Coran comme ça. Donc même si on trompe les gens en disant qu'on peut aimer comme ça, c'est pas possible parce que c'est un cœur, c'est cœur à cœur qu'on doit être collé. Donc nous voyons effectivement comment d'autres personnes ont dit que on ne peut pas aimer deux femmes tout en étant sincère avec eux. Ce sont des notes qui sont sorties. Donc nous voyons effectivement qu'il y a sociologiquement parlant, les positions sont mitigées. Pour ceux qui sont riches, ils pourraient comprendre cela comme la dépense. Pour ceux qui sont pauvres, et dans notre culture ici, comme quelqu'un a dit, dans notre tradition ici, chez les Bamileke et autres, c'est tout naturel que ça soit ainsi. Donc nous voyons effectivement pourquoi certaines personnes prenaient des femmes en expliquant qu'elles ne savent pas qui va devenir quoi. L'un pourra devenir ministre, l'autre devient médecin ou autre là-bas. Mais la sociologie qui se cache derrière, c'est que beaucoup de personnes montrent que l'éducation, la prise en charge de ces femmes-là, c'est pour ça que vous avez cité quoi dans votre introduction, le cas de la loi du Canada qui parle que ça fait beaucoup de mal à la loi matrimoniale, quoi, à la société matrimoniale. Donc nous voyons effectivement, si on prend ces cas-là, si on prend les avis des uns et des autres, selon qu'on se trouve dans un cas, quelqu'un dira que c'est favorable, l'autre dira que ce n'est pas favorable, selon le cas, et chacun aura raison dans son cas. Ah, d'accord. Mesdames, messieurs, merci à tous et à chacun. On va prendre la publicité qui dure 10 minutes et on va reprendre l'émission à 21h00. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte éternelle soit sur nous qui traite ce soir du cas de la polygamie avec toutes les questions qui tournent autour. Donc le Frère Junior nous donnera des réponses. À tout de suite. Vous êtes sur Dynamique FM. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur, son corps. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Merci à tous et à chacun d'avoir choisi ce programme pour votre édification. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les vendredis 20h30, 21h50 avec ce soir Lim Landry à la mise en onde et l'émission dure 70 minutes pendant lesquelles nous recevrons le frère Junior pour un jeu de questions et réponses. Et ce soir, nous avons choisi la polygamie comme thème. Et en cela donc, on écoutera un élément sonore qui contient les propos du pasteur Kass, un pasteur congolais qui a cette femme à son compteur et qui défend la polygamie avec vibrance, avec zèle et même avec une forme de nervosité. Frère Junior, bonsoir et bienvenue à nouveau sur ce plateau. Bonsoir, Frère Billy. Je rappelle, messieurs et dames, que vous pouvez vous aussi, à l'écoute de l'émission, participer par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS. On dit bonsoir en passant à tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire, ouais. Et qui via Bambaïba ont pu avoir le fichier aussi à Bambaïba, hein, ouais. Qui est un cybernaute assez important pour le corps du Christ. Oui, ouais, il fait son œuvre, il est à l'œuvre pour le corps du Christ. Ah, d'accord. Et nous saluons aussi, pour ne pas faire des jaloux, faisons salon aussi comme ça tous les frères dans le monde entier qui sont abonnés sur ces chaînes et qui écoutent les enseignements et qui même ne réagissent pas, et même ceux qui viennent pour insulter. Ah, que le Seigneur les bénisse. Ah d'accord, ils sont les bienvenus, frère. Ils sont les bienvenus, justement. Ils font le ministère. Il faut le ministre, chacun doit faire son rôle. Ah d'accord. Frère Junior, on parlera de la polygamie parce qu'on a écouté un premier élément sonore de première partie. Aussi en cela, j'ai donné la lecture du résumé introductif de la polygamie. Et vous maintenant qui êtes homme de Dieu, on voudrait avoir de vous ce que Dieu pense ou dit de la polygamie. Est-il oui ou non pour la polygamie? Pour répondre à cette question, comme dans le vos propos, il y a un auditeur qui a dit qu'il a affirmé, c'est ce que la Bible enseigne, qu'il y a des personnages de la Bible d'antan, dont Dieu qui sont connus comme le patriarche Abraham, David, Salomon en l'occurrence, qui sont donnés comme des exemples. Et pour le cas de David, il a appelé l'homme selon le cœur du Seigneur. Mm-hmm. Et ce personne-là avait donc des femmes. Pour David, il est dit qu'il avait 500 femmes et son fils, Salomon en avait 1000. Mm-hmm. Vous voyez, et Abraham, lui, il avait plusieurs autres femmes. Donc Keturah, Agar et la maman d'Isaac. Donc quand vous posez la question, donc, c'est pour développer le problème, ce n'est pas tout simplement simple. Parce que quand vous dites qu'un pasteur a 7 ou 8 femmes, il doit avoir des arguments dans la Bible, forcément. Ah d'accord. Quand les gens qui enseignent la doctrine de prospérité enseignent, ils enseignent avec des versets bibliques. Mm-hmm. Quand des gens qui veulent pratiquer, par exemple, la sorcellerie, la voyage astral, écouter les horoscopes, ils ont des cas dans la Bible, des cas de mages qui sont venus adorer Jésus en disant que ce sont les mages qui ont même indiqué aux chrétiens que Jésus était né. Mm-hmm. Donc chacun dans la Bible tira son sort. C'est pour cela que chaque prophète de Messès essaie de dire aux gens que les hérésies sortent de la Bible. Mm-hmm. Pour qu'une doctrine, un enseignement soit hérétique, il faut que ça tire sa source de la Bible. Mm-hmm. Donc on part d'un fait ou bien d'un verset biblique ou bien quelques versets bibliques, on commence à tordre selon le sens. Ah, c'est donc pour cela que, pour développer dans ces situations, le thème ô combien important maintenant, puisque quand vous dites que c'est un pasteur, ça se pose qu'il enseigne des gens. Il enseigne. S'il établit dans les différentes dénominations, les gens qui y sont enseignés vont être enseignés sur ceci. C'est pasteur Kass, c'est quoi, c'est Kassamba, Kassamba, Kassamba, Kana. Avant qu'on continue avec vous, frère, je rappelle que la polygamie ici, c'est l'appellation du langage familier, parce que en fait, le mot polygamie désigne le fait d'une personne d'avoir plusieurs conjoints. Oui. Ça peut être pour le cas de la femme d'avoir plusieurs maris, ou pour le cas de l'homme d'avoir plusieurs femmes. Oui. Mais ce soir, on traite pour le cas de l'homme. Et puis le cas des homosexuels arrive, parce qu'il y a un homosexuel qui celui qui commande pourra prendre plus des autres homosexuels. Donc c'est la dérive qui va continuer comme ça. Ils vont devoir trouver un autre nom là pour cela. Et donc à cela, donc le thème normalement qu'on traite ce soir, c'est la polygynie. Oui. Mais on utilise le mot polygamie parce que le langage. C'est ce que la connexion, c'est ce que les gens comprennent. Ah d'accord. Mm-hmm. Donc on aimerait donc avoir de vous, frère Junior, ce que Dieu pense, ce qu'il dit de la polygamie. Donc mon développement, j'étais en train de dire que le problème est profond comme d'autres problèmes de la Bible. C'est comme par exemple lorsqu'on touche le cas de la dîme, où effectivement les pasteurs vont aller prendre Malachie chapitre 3. Pas pour dire que Malachie chapitre 3 est faux, pas pour dire que l'enseignement de la dîme ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans la Bible, mais il faut comprendre, il faut s'asseoir, accepter de s'asseoir et comprendre l'enseignement, c'est-à-dire le plan de Dieu, la pensée de Dieu derrière. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand quelqu'un va brandir par exemple Malachie chapitre 3, verset 10, on comprend la pensée de Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Parce que nous, on a comme l'impression, et les autres qui abordent la Bible, le commun du mortel, c'est que quand on lit dans la Bible, on doit directement appliquer. Frère, ok, ben si c'est comme ça, je vous dis donc, Judas est allé se faire tuer, laisser cette femme qui était sur le voulait, allez se faire tuer, elle a raison. Vous voyez. Ah, donc, vous voyez, voici l'apôtre, voici le roi Saül qui est dans le combat, dans le livre de 1 Samuel. Mm-hmm. Il voit effectivement que Dieu l'a abandonné, qu'il n'a plus de force, les prophètes l'ont abandonné. Mm-hmm. Il voit effectivement les insurrections qui vont le tuer. Il prend le couteau, il se jette là-dessus, il se tue. Ah, d'accord. Alors, mais pour autant, est-ce que je dois voir les événements qui vont me dépasser? Je dois me faire tuer? Voici Judas qui est venu demander pardon à Dieu. Et il est venu demander pardon. Il a livré le sang innocent. Il a versé le pain. Donc, il n'a pas mangé un seul franc sur ces 30 pièces qu'il a vendu le Seigneur Jésus. Mm-hmm. Là, il déclare qu'il allait se pendre. Donc, puisque c'est écrit dans la Bible, dois-je aller aussi le faire? Ah, d'accord. La Bible déclare aux chapitre 1 verset 1 que la première fois que tu as donné de l'ordre au prophète Osée, c'est qu'il va prendre une femme prostituée. Est-ce que, comme je vais lire comme ça, il dit voici Osée qui a la fait, est-ce que il peut sortir maintenant, je vais prendre une femme prostituée aussi parce que j'ai vu dans la Bible? Non. D'accord. Les choses donc sont écrites dans la Bible pour nous montrer deux volets, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Ah, donc quand nous allons dans la Bible, il faut que nous comprenions ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il dit que c'est profond. Il faut aborder cela pour qu'on puisse toucher ça. Il faut qu'il prenne les petits exemples d'à côté pour enseigner le principe. Avant que vous continuez, frère, j'aimerais rappeler les contacts à ceux qui sont à l'écoute, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons d'avance bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Et on rappelle donc les contacts sont les 6 71 02 04 85. Je reprends 6 71 02 04 85, 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS, allez-y, frère. Oui, prenons encore un autre exemple pour vous voyez ce que je semble dire. Parce que je dis c'est profond. Il y a un groupe chrétien aujourd'hui qui s'habille en blanc et qui marche pieds nus. Ah, d'accord. Christianisme céleste, c'est oui, ça. Oui. D'où ce que tu dis là, parce que Dieu a dit à Moïse, le lieu où tu te trouves est saint, enlève ton soulier. Ah, d'accord. Il a dit ça à Moïse. Il n'a pas dit ça à Abraham. Mais est-ce qu'après cela, Moïse marchait pieds nus? Alors, vous posez la question, si eux, ils avaient posé la question de cette bonne façon-là, ils ne marcheraient pas pieds nus. Ça, c'est le problème. Vous voyez. D'autres encore, il y a un autre groupe qui écrit, ils portent seulement un habillement qui a des versets bibliques là-dessus. Ils croient qu'en faisant ça, il en est d'évangéliser. D'où est-ce qu'ils tissent là? Deutéronome chapitre 6 nous dit effectivement, quand ils sont rentrés dans le pays, écris les fins phrases sur les lintés des portes. Écris le ciel sur ton fronton pour que chaque matin tu lis au sortir au coucher. C'est ce que la Bible déclare. Mais est-ce que c'est ce que les chrétiens faisaient? Est-ce qu'ils ont compris ce que la Bible en train de dire? Voilà autant de choses. La Bible déclare à Malachie chapitre 3, verset 10 que vous volez Dieu chaque fois dans verset 8 à 10 et vous êtes frappé par la malédiction. La Bible déclare que la nation tout entière, le pasteur prend cela dans les églises pour haranguer les chrétiens. Or, la Bible parle de la nation tout entière. Donc, s'il s'agit d'un chrétien du Cameroun, tout le Cameroun est maudit à cause de la Bible. Alors maintenant, il faut expliquer à ce pasteur et à tous ses acolytes que non, ne faites pas de telles choses parce que vous n'êtes pas des sacrificateurs, vous n'êtes pas des lévites, nous ne sommes pas Israël. Il y a une ordonnance pour l'église de l'ancien, du Nouveau Testament, c'est-à-dire pour les chrétiens. Et ainsi donc, lorsque un chrétien qui ne connaît pas la Bible va se voir présenter Malachie chapitre 3, il va dire vous êtes frappé par la malédiction, directement il va avoir peur. Et plusieurs pasteurs effectivement disent qu'il y a des gens qui enseignent qu'on ne peut pas la dire, pourtant voilà ça qui est écrit. La Bible parle du sabbat, c'est le quatrième commandement. La Bible déclare que 6 jours tu vas travailler, 7 jours ça sera consacré à Dieu. Ah, d'accord. Maintenant, et il y a un groupe chrétien aussi qui croit effectivement qu'il faut respecter le sabbat. Ah, d'accord. Les Adventistes du 7e jour. Ah, d'accord. Mais maintenant, ils respectent cela depuis avec Miller et autres et tous les autres là. quelque chose qu'ils vont faire là-bas, ils seront coupables par rapport à ce sabbat parce qu'ils ne pourront jamais remplacer et faire le sabbat comme il se doit. Donc ça veut dire qu'en voulant respecter le sabbat, ils vont empêcher comme ça. Comment comprendre qu'une personne pratique quelque chose qui vient de la Bible se retrouve hors de la volonté de Dieu? C'est pour cela que si Dieu n'envoie pas quelqu'un, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 18, la Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Parce que quand Dieu te recommande, tu vas dire les paroles du Seigneur. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens maintenant que commencer à construire l'arche de Noé. Il y a des pasteurs qui disent aux gens que construisons l'arche de Noé. Comme le témoin de Jéhovah dit, à moins que vous ne soyez dans l'arche de Noé moderne, vous ne devez pas être sauvé. Ah d'accord. Kako Philippe dit également que dans l'arche de Noé moderne, parce que l'arche là symbolisait maintenant le mouvement sur Kako Philippe, comme nous avons vu là. Donc vous voyez effectivement que chacun peut prendre et tordre comme il en est tordre. Mais le vrai problème c'est ici. Qui a connu la pensée des dieux? C'est le vrai problème. Donc comprenant les affaires de l'Édim, des sabbats, d'aller à Jérusalem à pied, 3 ans par année, ainsi de suite, de ceux qui marchent à pied là, et ainsi de suite, des écritures sur la parole. C'est ça qui fait cette diversité là maintenant. Ah, vous prenez l'église catholique, elle va vous dire que Jésus a dit que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et tous sans exception savent et croient bêtement à cela. Ils ne savent pas que c'est un mensonge depuis des années qu'ils sont en train de vivre. Mais vous posez la question à quelqu'un, que veut dire église? Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que l'église est un bâtiment. Ah, l'église, ce sont les êtres humains pour lesquels le Seigneur Jésus est mort. Ce seul bon sens voudrait qu'il comprenne effectivement que la basilique Saint-Pierre qui se trouve là-bas, mais si on avait baptisé sur le tombeau de l'apôtre Pierre, il faudrait qu'il fuisse ça parce que l'église n'est pas bâtie sur un cadavre, mais sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ah, combien de personnes sont dans le mensonge comme ça? C'est ça qui veut dire qu'il faut qu'on comprenne le plan de Dieu. Donc, chaque groupe chrétien et chacune de ces personnes qui sortent avec des révélations bibliques, avec des versets bibliques pour contrôler les autres et puis amener les gens à la dérive, ils sont de créer les sectes pour diviser le corps de Christ. Mais au milieu se trouve le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire donc, quand vous écoutez tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, encore il y a des passages qui sont écrits et qui ne devraient pas être appliqués tels quels, mais qui devraient être appliqués après avoir une révélation. Il y en a plusieurs. Permettez-moi de je lis un, vous allez voir, ça sera amusant. Allez-y, frère. Deutéronome chapitre 24. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Mesdames, messieurs, faites partie de l'émission par appel direct ou encore par SMS. Allez-y, frère. Prenons bien aimé à la maison, auditeurs, tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, prenons Deutéronome chapitre 23. Je vais lire les deux premiers versets et nous allons voir. Il y en a plein qu'on se pourrait donner les exemples. Je vais citer tout simplement les contenus du verset. Dans Deutéronome chapitre 23, la Bible déclare: celui dont les testicules ont été écrasés ou l'irette coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Mm-hmm. Vous voyez ça? Mm-hmm. C'est écrit normalement que celui qui a les testicules, je vous ai dit, ce serait amusant, mais c'est la Bible, il faut qu'on lise. Mm-hmm. Donc c'est écrit ici que celui dont les testicules ont été écrasés ou l'irette coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Mm-hmm. Et la Bible déclare verset 2: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce que vous en dites ici? Maintenant, peut-vous prendre les gens dans la Bible qui sont issus des relations illicites, qui sont même comptés dans la généalogie de Jésus? Ah, nous voyons le cas de Judas qui allait coucher avec sa belle-fille et qui a enfanté Pérès et qui donc c'est un grand-parent de Jésus. Mm-hmm. Nous voyons le cas de Rahab, la prostituée, qui a enfanté et qui donc l'un des parents du Seigneur Jésus. Maintenant, prenons ce cas-ci. Comment on pouvait appliquer ça aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui, alors que c'est la période de la grâce et de la miséricorde? Voici les choses qu'il faut comprendre. Dans le livre d'Exode, la Bible, au chapitre 10, la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, normalement, on doit les lapider. La Bible déclare dans le livre de Nombre que lorsqu'un homme va prendre une femme pour épouse, s'il va lors de la nuit nuptiale, là, il rencontre la femme dans les rapports sexuels, il se rend compte que la femme n'est pas vierge, il va venir les présenter aux anciens de la ville en disant que j'ai pris cette fille-ci, je ne l'ai pas trouvée vierge. On va la conduire. Après, on va vérifier ça. Si c'est vrai, on va la lapider. Combien de chrétiens se marient aujourd'hui étant vierges? Donc, vous voyez effectivement qu'il y a dans les prescriptions sous la loi, comme la Bible le dit elle-même dans Hébreu, qu'il y a des choses qui ont été données sous la loi pour un certain nombre de temps, donc jusqu'à une certaine époque de réformation. Ah, donc, dans la pensée du Seigneur, il y a une réforme qui devait avoir lieu. Et donc, pourquoi donc ces choses ont été données? Pourquoi la loi a été donnée? Et la Bible pose même ces mêmes questions. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause de la transgression. Parce que les gens vivaient comme des rébarbatifs. Ah, les gens vivaient comme les gens sans loi. Dieu a donné, écoutez très attentivement, Dieu a donné la loi pour normaliser, pour essayer de normaliser et arranger, pour canaliser. Et la Bible déclare dans Galates chapitre 3 que cette loi-là était comme un pédagogue pour nous enseigner, pour nous conduire à Christ qui est la foi. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut lire la Bible de la bonne façon, il faut qu'il suive un carnaval. Il marche avant la loi, il marche pendant la loi, comment Dieu a agi, et qu'il se pose toujours la question pourquoi Dieu a-t-il permis ceci. Donc voici Dieu par exemple qui dit que quelqu'un qui a le testicule écrasé n'entrera pas dans son assemblée. Par exemple, ça veut dire que si quelqu'un se trouve maintenant être chrétien, il se rend compte qu'il a le testicule, ça veut dire qu'il doit sortir de l'assemblée. D'accord. Et maintenant, quel est donc le meilleur moyen de retrouver cette volonté de Dieu qu'il faut suivre? C'est pour cela, c'est une très bonne question. Il faut que les gens qui écoutent les pasteurs, comme ils sont en train de m'écouter maintenant, vérifient dans la Bible pas seulement ce que les versets, parce que comme je dis, les hérétiques vont venir enseigner avec les versets bibliques. Ils vont prendre tel verset. Il faut que non seulement les gens prient, qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui prennent l'habitude de lire leurs saintes écritures. Pas qu'ils attendent seulement un jour fixé particulièrement pour aller s'asseoir et gober ce qu'on va leur dire. L'entretien que quelqu'un a, la communion que quelqu'un a avec le Seigneur, quand le Seigneur peut vous révéler des choses, le Saint-Esprit vous parle. Puisqu'il parle aujourd'hui, il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne suivront point un mercenaire. Donc quelqu'un qui va venir trafiqueront de nous avec les paroles trompeuses. C'est ce que la Bible peut nous avertir. Selon les condamnations a été écrites depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui m'écoute maintenant fait? Il doit prendre l'habitude de lire la Bible. C'est-à-dire vérifier la chose dans la Bible. Lire la Bible dans la Bible. C'est quand même terrible que vous avez quelqu'un qui dit qu'il est transcendant à la foi. Il n'a jamais lu la Bible. Quand vous dites vérifier la Bible, c'est parce qu'ils font ces choses que vous dénoncez et même que vous arrivez à prouver que c'est pas ce qu'il faut faire. Oui. Ils démontrent par la Bible. On a trouvé quelque chose. Les pasteurs sont allés dans les écoles, comme nous avons dit, les écoles théologiques. On leur a donné la façon d'enseigner. On a enseigné aux chrétiens que le pasteur qui est devant toi ne discute pas parce qu'il a été établi par Dieu. Fais attention parce que la malédiction va te frotter. Ah, d'accord. Par conséquent, les chrétiens simples, les simples chrétiens ont d'abord cette peur-là d'affronter celui qu'on appelle homme de Dieu. Ça veut dire qu'ils doivent gober. Non, je dis non. L'apôtre Paul qui a écrit la Bible, quand il écrivait, quand il prêchait, les disciples vérifiaient si ce qu'il disait était exact. Ah, d'accord. Acte chapitre 17, verset 11. Quand l'apôtre Pierre est allé chez Cornée prêcher, il était un juif, il était entré chez un païen. Dieu lui a donné la révélation, il n'a pas donné à d'autres chrétiens. Il est venu là-bas. La Bible déclare dans Acte chapitre 10, quand on lui a demandé de nous expliquer que tu es entré chez un païen, c'est pas normal en tant que juif que tu es entré chez un païen. Mais il ne comprenait pas le mystère. Là, la Bible déclare qu'il s'est mis à leur expliquer de manière exacte. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, les pasteurs disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils ont demandé à tous les chrétiens de s'approcher de leur pasteur pour se rassurer. Pour se rassurer, quand ça ne va pas. Première chose, qu'il faut, quand ils entendent quelque chose qui ne gobe pas, qu'ils vont vérifier cela, qu'ils aillent vérifier d'abord dans la Bible si c'est pas bon. Si le Saint-Esprit le convainc que c'est pas bon, qu'ils vont voir le pasteur pour en discuter. Mm-hmm. Pour en discuter. Si le pasteur refuse de les recevoir. Et si c'est que c'est un poison. Parce qu'il existe parfois des protocoles, on va vous dire que non, le pasteur ne peut pas recevoir parce que autre. Voilà, vous voyez effectivement que ça veut dire que celui-là va continuer à distiller le poison et rester dans sa brigade pour pouvoir distiller le poison. La Bible déclare donc sortez du milieu tel mon peuple. Ah, d'accord. Si quelqu'un est de Dieu, il a dit dans Amos chapitre 5, verset 1 à 5, il a dit ne cherchez pas Bathsheba, ne cherchez pas Gilgal, ne cherchez pas Siloué, ne cherchez pas quoi, tous les autres endroits où il s'est manifesté. Cherchez-moi. Donc si les gens cherchent Dieu, il va s'y révéler. Ah, d'accord, en s'attachant fortement à la Bible. À la Bible, à la parole, en lecture de la parole. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM, tous les vendredis 20h30, 21h50. Et ce soir, donc, nous parlons de la polygynie, familièrement appelée polygamie. Et les contacts pour avoir accès à l'émission sont les 6 71 02 04 85, 6 91 60 02 84. Enfin, revenons maintenant sur le cas précis de la polygamie. Oui. Ou encore de la polygynie. La polygamie, disons ainsi, pour que les gens puissent saisir. Voilà. Comment donc se retrouver bibliquement que voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est là donc la démonstration et les premiers pieds que j'ai posés étant donc bon et compréhensible dans la constitution que j'ai faite. Nous nous trouvons maintenant, c'est que pense Dieu derrière la polygamie. Allez-y, frère Junior, avant qu'on écoute l'élément sonore du pasteur Castro. Voilà. Il y a une chose dans la pensée originelle des dieux, il faut toujours s'y référer. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu pensait? Quel est le but de le faire? Ah, d'accord. La création des dieux, ce sont des prophéties. Toutes les créations des dieux sont des prophéties. La Bible déclare, par exemple, pour le cas du mariage, que le mariage avait été fait pour prophétiser Christ et l'Église. Ah, d'accord. C'est pour ça que s'il y a de l'embrouille, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder du côté spirituel pour voir exactement quelle était sa pensée. Mm-hmm. Et quoi que si. Christ et l'Église. C'est ça le vrai problème. C'est ce mystère-là que je vais toucher. Parce que la Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 6, et dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, que c'est un mystère. Ah, et chaque fois dans la Bible, vous allez remarquer que les cisaillements et les schismes arrivent au niveau des mystères. Il y a le mystère de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ dont les gens ne croiront jamais, certaines personnes ne croiront jamais que c'était Dieu incarné. La Bible déclare que Dieu a été manifesté en chair. La Bible déclare que c'est un mystère, c'est l'un des mystères. Il y en a qui demandent si Dieu Jésus-Christ était son propre Père. C'est exact. Voilà autant de choses. Je dis, je comprends ces personnes parce que c'est pour ça qu'il doit se révéler. Mais vous allez monter, vous allez descendre. 1 Timothée chapitre 3, verset 16 dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est écrit en grec théos. C'est ce qui est écrit. Vous voyez. Donc maintenant, la Bible déclare. Mais en même temps, sans vous couper, hein, oui. Pourquoi est-ce que Dieu fait toutes ces choses? La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Ah, d'accord. C'est pour cela qu'il doit se révéler. Ah, il a dit que toutes choses m'ont été données par mon Père, mais personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est personne ne connaît le Fils ou c'est le Père ou celui à qui le Fils veut le révéler. Mm-hmm. Donc c'est une révélation. On ne parle pas d'étudiant dans une école. Parce qu'on a comme l'impression qu'il met des choses en désordre. Exactement. Pour embrouiller. Exactement. Gens, comme vous voyez, l'univers est comme ça. Il y a beaucoup de galaxies qui se tournent, s'entretournent, mais sans se toucher pour autant. Il a mis cela comme ça là pour défier la sagesse et la folie des hommes. Ah, d'accord. Donc, je tente de dire donc que cela étant construit comme ça, il faut qu'on comprenne que la pensée de Dieu dans chacune des situations qu'il fait, c'est le but, c'est Christ et l'Église. Et lisant la Bible dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, l'apôtre Paul entre dans ces choses là pour expliquer qu'il n'a pas été mis en exergue au prophète d'antan, mais c'était quelque chose qui était caché en lui-même. Il dit que ce sont les choses que Dieu, depuis l'éternité, avait caché en lui-même. Donc, Dieu a fait la création pensant quelque chose derrière. C'est ça le vrai problème. Il dit que cette chose là, c'était que les païens sont co-héritiers, participent au même corps dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est un mystère qu'il avait fait pour décider à un moment donné. Comment il va réaliser ça? Les choses se passent sur la terre, ça se passe. C'est pour cela que les Juifs ne voulaient pas que les païens entrent chez eux. Parce qu'en fait, Dieu avait d'abord donné une loi comme ça. Vous voyez, effectivement, Dieu avait donné clairement une loi que les païens ne devaient pas faire telle chose, que les Juifs ne devaient pas entrer dans leur temple. Maintenant, si un Juif lit la Torah, il dit que je suis Juif, je n'ai pas chez les païens. Vous voyez, il peut s'en sortir comme les chrétiens s'en sortent aussi avec les versets bibliques. Mais pourtant, Dieu a dit ça littéralement. Ah, Dieu a dit littéralement aux Juifs d'obéir le quatrième commandement, le sabbat. C'était pour les Juifs. Les Juifs le faisaient et ils le faisaient. Et Jésus est venu, il faisait sa guérison le jour du sabbat. Ah, d'accord. La Bible déclare qu'il y a deux raisons pour lesquelles principalement on l'a tué. C'est parce qu'il ne respectait pas le sabbat et c'est parce qu'il se faisait lui-même Dieu, exactement, en appelant Dieu son propre Père, ah, qui était un blasphème, qui lui a valu la mort. Pourquoi ne respectait-il pas le sabbat? Pourtant, c'est lui qui a énoncé le sabbat. Il a dit donc le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous voyez, effectivement. Donc, je vais dire que derrière chaque chose, il faut qu'on comprenne la pensée de Dieu. Et donc, lorsque Dieu crée donc l'homme et la femme, la Bible déclare l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. Pourtant, l'homme avait plusieurs côtes. Ah, d'accord. C'est quand même, sur ce raisonnement-là, l'homme a plusieurs côtes. Il n'en a plus qu'une seule côte pour en faire sa femme. Ah, d'accord. Parce qu'on peut dire que sa femme, lorsqu'il épouse Catherine, c'est sa femme. Lorsqu'il épouse Gaël, c'est sa femme. Lorsqu'il épouse Manga Genèse, c'est sa femme. Nous voyons effectivement que Dieu a pris l'homme et il a fait sa femme. Il a dit que les deux, il n'a pas dit trois, devenant une seule chair. Ah, d'accord. Parce que l'homme a été pris de la femme. Je pose seulement un exemple. Si un homme a 100 femmes ou bien deux ou trois, si on revient à l'original, la première femme, en supposant que la première femme suit sa femme, la deuxième est sortie de quelle partie? Vous voyez là on se trouve, il y a un problème. C'est une grande interrogation. C'est une grande interrogation, mais pourtant il faut qu'on regarde maintenant, c'est du Seigneur Jésus-Christ qu'on doit regarder pour voir effectivement d'où vient le mystère, le pourquoi le mariage a été donné, pour comprendre en profondeur le problème de la polygamie. On va donc écouter l'élément sonore qui contient les propos du pasteur Castlet de Congo. Il a vu cette femme, il défend hardiment la polygamie avec Lim Landry à la technique. À tout de suite. Je m'attaque à votre enseignement qui est mensonger. Vous dites que Dieu n'a établi que l'homme. Parce que quand vous dites ça, Dieu devient pécheur. Vous devriez le dire. Quand il fait de David un grand polygame. Quand Dieu établit la polygamie dans sa loi. Lévitique, tout le chapitre. Surtout au verset 18 dans la version que j'ai ici. Dieu dit pour ton harem, c'est-à-dire là où tu accumules des épouses. Tu n'auras pas deux sœurs nées d'une même mère ou d'un même père. Pour ton harem. Et Dieu dit aussi, maudit soit celui qui prendra l'une des épouses de son père. Vous devriez avoir assez de courage pour dire, Dieu qui encourage la polygamie et l'établit ici, c'est lui l'auteur du désordre. Alors je vous respecterai. Maintenant quand vous dites, l'homme il s'attachera à sa femme. Vous pensez qu'un polygame n'a pas le droit de s'attacher à sa femme? Parce que David, 2 Samuel 12, verset 24, David consola Bathsheba sa femme. C'est dans ta Bible. Donc un polygame, même s'il a 1000 femmes, il a le droit de s'attacher aussi à sa femme. Chacune est sa femme, comme dans 1 Samuel 2, dans chapitre 1, verset 2. Elkana avait deux femmes épousées. Anne est appelée au verset 4, sa femme. Pénina aussi, sa femme. Donc cette écriture, je la remets dans le contexte de toutes les écritures pour vous dire que, chers collègues, Dieu ne se contredit pas. Le Seigneur est parfait au sujet de la polygamie comme étant le mariage qu'il a institué lui-même après la chute. C'est pour ça que Jésus-Christ a expliqué ça. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il voulait dire clairement par là que nous ne sommes plus au commencement. Depuis Genèse 3, le péché d'Ève a fait que la première alliance où il y avait un homme et une femme, Adam et Ève, soit brisée et disparaisse. Le Seigneur est venu établir la seconde alliance en élevant l'homme au rang de chef et en abaissant la femme. Depuis Genèse 3, depuis le verset 14, l'homme est devenu le chef. Et de ce fait, le Seigneur lui-même a consacré la polygamie comme forme de mariage dans le deuxième temps. Donc la polygamie, c'est bel et bien le mariage divin, parce que lui-même, il est polygame. C'est le mariage consacré par lui, parce que c'est Christ, comme le frère l'a dit, avec l'Église. Christ est un, et les membres de son équipe, son groupe, sont plusieurs. De Corinthiens 11. Matthieu 25 explique aussi la conclusion de la polygamie, que le royaume de Dieu, c'est la polygamie. Un homme devait se marier directement avec 10 vierges. Les 10 vierges représentent les croyants de cette génération. Voilà. Ainsi, dans la loi, vous voyez que Dieu lui-même est celui qui a établi la polygamie. Par exemple, dans Exode 21, il dit, si l'homme qui a épousé une femme esclave veut ajouter une autre, voici comment il vivra. Les hommes choisiront toujours ce que Satan, lui, la polygamie vient de Dieu, parce que l'ordre divin est l'homme est le chef de la femme. Mais Satan n'aime pas ça. Satan veut qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Dieu est polygame. Dans Ézéchiel 23, il a dit, j'ai épousé deux filles qui m'ont donné des enfants, des fils et des filles. De David, dans 2 Samuel 12, Dieu dit à David au verset 8, je t'ai donné des femmes, je les ai moi-même placées dans ton sein. Si le nombre était insuffisant, j'allais encore ajouter. Donc, quiconque dit que la polygamie est un péché, il a blasphémé contre le Seigneur. Et il s'est placé sous la malédiction. 1 Roi 15, verset 5, sur David. Dieu dit de David, il a fait ce que le Seigneur, l'Éternel, considère comme juste. Il ne s'est jamais détourné de tous mes commandements pendant toute sa vie. Il n'est allé ni à gauche ni à droite, excepté le Nika où il a commis adultère. Donc celui qui condamne David, il condamne le Seigneur, il blasphème contre le Seigneur. La polygamie est juste, sainte, sacrée et divine. Dieu établit lui-même la polygamie dans la loi. Sur la terre, Exode 21, dit au peuple, si un homme veut avoir une autre femme, voilà comment il se comportera. Si un homme a deux femmes et que les deux lui aient donné des fils, que l'aîné soit reconnu comme aîné lors du partage, c'est bien. Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit quiconque troublera le mariage polygame de son père en prenant l'une des femmes de son père. Et que tout le monde dise Amen. À la fin, Dieu dit, maudit soit quiconque n'acceptera pas toutes ces paroles. La polygamie est péché. Contre quelle loi? 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Il avait deux femmes. On ne peut pas dire qu'il ne les avait pas. Anne et Pénina, toutes les deux étaient ses femmes. Au verset 4, Pénina est appelée ici, verset 4, sa femme. Au verset 19, Anne également, dans le même chapitre, est appelée sa femme. Je n'ai pas encore fait. Mais Dieu, ici dans la loi, établit lui-même la polygamie. Si tu veux avoir une deuxième femme, voici. Alors, il parle quel français? Maintenant, dans 1 Timothée, rapidement, parce qu'on va dans 1 Timothée, 1 Timothée 3. Ça, c'est une falsification de l'Église catholique. Je prends Jésus et Paul. Allez-y. Pour la falsification. Jésus a dit aux gens de son époque, les pasteurs, Matthieu 15, il est radieux. Dieu a dit, mais vous dites, voilà. Comme ce qu'il fait, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Dans 2 Corinthiens, c'est là où c'est trop clair. 2 Corinthiens chapitre 2, je crois le verset 17. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. La polygamie est juste, sainte, sacrée et divine. Dieu établit lui-même la polygamie. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84. Je vous ai écouté. Il s'appelle Pasteur Kassambanka, c'est du Congo qu'il excelle. Et il a une église et avec et dans cette église il a eu en fonction il a épousé plusieurs femmes à la fois. Donc la dernière a moins de 25 ans. Et il défend la polygamie tous les jours à chaque fois qu'il est invité venant Frère Junior sur un plateau. Il prêche même pour la polygamie et dénonçant ceux qui s'insurgent contre la polygamie. Et il avait parlé des malédictions pour tout cela qui s'insurgent contre la polygamie. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure là, que les gens prendraient les versets dans la Bible. Si vous permettez, je ne sais pas combien de temps nous avons beaucoup de choses à parcourir. Oui, on a une vingtaine de minutes, Frère Junior. Bon, mesdames. Il a dit par exemple dans le cadre, prenons le cadre de l'église avant de prendre. C'est pour ça que je vous ai dit que si on ne comprend pas le principe de Dieu, on va aller à la dérive comme il le fait. Lorsqu'il prend le cadre de David, dans lui, Dieu s'est mis effectivement, puisque David, Dieu a parlé de l'affaire du riz. Dieu ne reproche pas effectivement à David le fait qu'il ait pris la femme Bathsheba, puisque après cela, c'est même de cette Bathsheba que va venir Salomon. Mm-hmm. Vous voyez effectivement que si on ne comprend pas le plan de Dieu, on va toujours aller à la dérive de cette façon-ci. La Bible déclare, quand il lit 1 Samuel chapitre 1, verset les deux femmes de Peninnah et Anne, la Bible déclare que tous étaient ses femmes. Mais il faut regarder le carnaval. D'accord. Dans 1 Samuel, dans ce Lévitique chapitre, je dis c'est seulement plein parce que ça va de tous les sens là, mais je vais aller de façon diplomatique et de façon calme là maintenant. Que le Seigneur m'aide vraiment. Dans le livre Ézéchiel 23, vous aurez remarqué qu'il a dit que Dieu est polygame et que Jésus aussi est polygame. Mm-hmm. Parce qu'en fait, vous voyez effectivement qu'il a pris une méthodologie pour montrer que dans l'ancienne alliance, Dieu était polygame. Mm-hmm. Là, il est polygame. Alors, dans Ézéchiel 23, on parle de Ohola, qui représente la Samarie, mm-hmm. et quoi, Oholiba, qui mm-hmm. représente Jérusalem. Mm-hmm. Pour que les gens puissent comprendre ceci et lui, il faut qu'on comprenne que sur Roboam, le fils de Salomon, Dieu avait prophétisé que Jéroboam devait prendre 10 royaumes. Le royaume du nord, qui concerne donc, dont la capitale était Samarie, et le royaume du sud. Le pays était divisé physiquement, mais c'est Israël qui est de Dieu. C'est tout le peuple d'Israël qui est de Dieu. Ah, que, ouais, effectivement, que malgré la scission, malgré le schisme, ils traitaient parce que physiquement, ils étaient divisés, mais c'est le peuple de Dieu. Israël, on ne les appelle pas les peuples de Dieu, on dit le peuple de Dieu. Ah, d'accord. Parce que Israël, il parlait comme ça pour que les gens n'entendent plus comprendre que le royaume du nord a péché, le royaume du sud également a péché, parce qu'il y avait Juda là-bas et Benjamin au sud. Mm-hmm. Donc, ce monsieur se passe comme ça, comme Dieu parle en même temps de Oholiba et Oholiba pour dire que Dieu est polygame. Mm-hmm. Oh, Dieu parle chaque fois de la nation d'Israël, de la nation d'Israël. Frère, c'est quand même très étonnant, hein, puisqu'il oui. a beaucoup utilisé l'Ancien Testament. Oui. Et quant au nouveau, il dit que c'est une falsification. J'arrive au niveau de la falsification parce que c'est étonnant. Mm-hmm. C'est étonnant. Nous avons parlé de cette histoire des Belges. Là, je vais revenir, mais il faut que je veille vraiment en suivant cela. Allez-y, frère. Donc, maintenant, voici David qui l'a cité. Il a cité Abraham, il a cité Ézéchiel, il a cité. Et pour le cas d'Israël, d'Abraham, il va parler de Ketura et autres. Là. Mm-hmm. Maintenant, regardez, pour le cas de David, il dit, c'est ça, je vais m'atteler là-bas. Il dit que Dieu dit à David que j'ai mis des femmes dans ton sein. Si ça avait été peu, j'aurais encore ajouté. Mm-hmm. Effectivement, c'est Dieu qui a dit cela. C'est Dieu qui va dire également que qui va monter à Ramon en Galate, qui va exciter à Cap pour nous, qui monte en Galate pour périr. Il y en a plein dans la Bible là-bas dont Dieu incite les gens. Il prend un exemple simple. Dieu va dire par exemple aux Philistins, quoi, à Samson, Dieu va exciter Samson pour qu'il descende prendre une femme philistine. Or, la loi de Dieu dit clairement que tu ne prendras point le mariage, tu ne faisais pas d'alliance. C'est ce qui est écrit là-bas. Pourquoi est-ce qu'il fait cela, frère Gino? Parce qu'il est souverain. Ah, d'accord. Donc, je vais vous expliquer quelque chose derrière. Mm-hmm. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, que cet homme, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, c'est cas s'il y a mm-hmm. quelque chose qui ne va pas chez lui, il faut la délivrer. En fait, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va entrer dans sa famille pour enlever, dans sa famille là, pour envoyer ses femmes. Quand il y aura la mort là-bas, il saura effectivement, et les gens de son église sauront effectivement que Dieu a l'œil pour les corriger. Et ça va arriver. Mm-hmm. Je tente de dire ainsi. Je tente de dire là que je crois que les femmes là doivent m'écouter et qu'il va falloir qu'on prenne. Il y a un esprit qui sera là-bas pour le diviser. Vous allez entendre, vous inquiétez d'accord, pas. D'accord. Donc, je tente de dire donc que voici Dieu qui, la Bible déclare que Samson est descendu à Timna. Il a dit, il a vu une jeune philistine qui lui plut. Il rentre, dit à ses parents que allez descendre, prenez-la moi pour épouse. Vous voyez, la Bible déclare ses parents ont dit, il n'y a point de jeunes filles, de vieilles gestes en Israël, pourquoi tu descends chez les cousins qui se concilient pour en prendre une femme. Mm-hmm. Il dit que non, prenez-la moi car je l'ai choisi. Ah, d'accord. Le Saint-Esprit dit dans la Bible que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ah, d'accord. Donc Dieu cherchait une occasion de chute. Dieu qui a écrit que vous n'allez pas prendre chez les Philistins a cherché une occasion de chute. Pourquoi ne pouvait-il pas passer autrement? Ah, d'accord. Parce qu'il voulait qu'il y ait un raccord, que plus tard on essaie de capter Salomon, comme on a vu la suite, Samson, dans cette suite-là. Et plus tard, vous voyez, dans le processus de Dieu, il y a le fait qu'on devait percer son œil, mm-hmm. puisqu'il devait donner quelque chose que, par rapport à ce chiffre qui ne devait pas se couper. Mm-hmm. Donc je vais dire ceci. Ce que Dieu a écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, j'ai dit que Dieu avait donné cela comme un pédagogue. Il dit, Dieu a dit à David que j'avais mis des femmes dans ton sein. Dieu a dit à sa parent que Samson va aussi prendre une épouse chez les Philistins. Mm-hmm. Vous voyez effectivement. Donc on va lire cela en disant que ok, comme Dieu a aussi dit à Samson d'aller prendre une femme chez les Philistins, je vais quitter aussi pour aller marier un mondain. Lui, parce qu'il ne peut pas dire ça aux chrétiens. Ah, d'accord. Vous comprenez. Je vous ai dit que les gens peuvent trouver les choses dans la Bible pour se défendre. Il prend le cas de Salomon, par exemple, qui avait 1000 femmes, 700 femmes. Mais permettez-moi de lire ce que Salomon lui il a dit. Allez-y, frère Chignon. Monsieur, je rappelle que les contacts sont les 671 02 85 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes, frère Jean-Lézien. Maintenant, je vais lire deux passages dans le livre d'Ecclésias. Mm-hmm. Écoutez, au chapitre 7 d'Ecclésias, le verset 28. Le verset 28 dit dans le livre d'Ecclésias, voici, c'est Salomon qui écrit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Mm-hmm. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ça. Donc Salomon était à la recherche de sa femme. Ah d'accord. C'est lui qui nous dit là. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Effectivement, ouais, effectivement, là ça a conduit son cœur. Donc ce monsieur Sikas devait comprendre que Salomon était dans le laboratoire de Dieu pour faire la recherche pour nous afin que nous ne péchions pas. Dans le livre des Proverbes au chapitre 5 à partir du verset 18, il a dit que bois l'eau de ta citerne, ne va pas sur le territoire de quelqu'un. Ah, il dit que soit de sans cesse enivré de le charme de la femme de ta jeunesse, n'a pas dit que de d'autres femmes. Vous voyez, dans le chapitre 9, dans ce chapitre 9 de verset 9 d'Ecclésiaste, permettez-moi. Chapitre 9, verset 9, qu'est-ce que ça dit? Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ah d'accord. Pendant tous les jours de ta vie, des vanités que Dieu t'a donné sous le soleil. C'est pas les femmes. C'est pas, il n'y a pas de, c'est Salomon qui dit ça. Il a dit avec la, il dit jouis de la vie avec la femme. Salomon, s'il a pris 1000 femmes, il aurait mieux fait pour conseiller aux gens que prenez autant de femmes pour chercher vraiment la vraie femme. Mais pourtant, lui, il a plutôt dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ou bien effectivement que la femme, il ne s'agit pas d'avoir les femmes. Il s'agit d'avoir la femme que Dieu a destinée pour toi. Est-ce que vous me saisissez ici? D'accord. Donc c'est Salomon qui avait 1000 femmes, donc c'est le grand record ici, qui a de nous conseiller par rapport à la maladresse que quelqu'un pourrait avoir. Il a dit que ça vaut la peine d'habiter à l'âme d'un toit qu'avec une femme querelleuse. Mm-hmm. C'est ce qu'il a dit. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le Saint-Esprit qui était sur Salomon, c'était pour le conduire à faire des recherches, comme lui-même l'a dit. Il avait la sagesse qu'il avait, il a cherché, fait des recherches dans tous les domaines pour comprendre la science et la connaissance de toutes ces choses-là. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il a aimé beaucoup de femmes, mm-hmm. pour pouvoir nous écrire. Permettez-moi de lire Proverbe au chapitre 18. Très rapidement, bon, je l'ai cité tout à l'heure. Permettez-moi de lire Proverbe chapitre 5, verset 15, là, rapidement. Proverbe chapitre 5, verset 15. 691-02-04-85. Il dit au verset 18 du chapitre 5 de Proverbe, il dit que ta source soit bénie. Il a dit ta source soit bénie. Et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Il dit biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps élevé de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. C'est Salomon qui donne ses conseils ici. Il va plus loin en disant qu'on fait attention aux femmes qui font perdre la tête du roi. Donc il se souvient effectivement que c'est le mieux que avait sa maman qui lui a donné ce conseil-là. Enfin, je note très rapidement une autre question, une question qui est presque globale. Oui. La polygamie est-il un péché? En fait, c'est sur ce plan-là. C'est l'un de cette question à poser de cette façon-là, c'est la plus difficile. C'est que Dieu. Le problème, c'est que. Si Dieu a toléré quelque chose, regarde par exemple, je vais prier tout à l'heure parler du sabbat. Voici le vrai problème. Parce que le pasteur Kass a demandé que c'est un péché, c'est contre quelle loi? Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le péché. La Bible déclare que toute désobéissance est un péché. Ah d'accord. Parce que si vous entrez dans la polygamie, c'est un peu comme le cas du sabbat, comme je vous parlais tout à l'heure, ou bien le cas de la dîme. Si quelqu'un dit qu'il veut oublier le sabbat, je lui dirais que c'est très bien. Le sabbat ne se limite pas à ce samedi que tu te taises, que tu ne fasses pas quelque chose. Vous voyez? Ce jour-là, il y a les prescriptions. Il faut des peines de proposition devant l'Éternel. Il faut que les lampes soient allumées constamment sur l'arche de l'alliance. Personne ne peut trouver l'arche de l'alliance. C'est impossible. C'est impossible. Donc, Jésus a dit effectivement aux sacrificateurs que vous ne savez pas que les sacrificateurs eux-mêmes font le sabbat, le jour du sabbat, en profanant le sabbat. Puisque Dieu dit que ton œuvre, tu ne dois pas le faire le septième jour. Et le sacrificateur doit se reposer sur son œuvre. Si c'est réuni, si c'est repose, il a péché. S'il fait, il a péché parce qu'il est censé se reposer. Il est censé être constamment devant le Seigneur. Ouais, effectivement, c'est pour ça qu'il nous a paru un souverain sacrificateur qui est toujours vivant pour intercéder. Pour le cas de ces sabbats, effectivement, vous allez voir effectivement que si quelqu'un commence à respecter le sabbat, après 7 sabbats, vous allez voir effectivement qu'il y a l'année de relâche. Donc si quelqu'un te devait la dette, même si ce n'est pas pourquoi, vous allez relâcher. Je me doute fort bien si les pasteurs peuvent le faire. Donc il est impossible de le faire. Pour que chacun sorte libre de leur maison. C'est-à-dire que si vous aviez une dette après 7 sabbats, l'année sabbatique, il faut que vous la relâchiez. Même si vous devez n'importe quoi, vous devez relâcher. Même si vous avez pris 2 millions, vous devez relâcher. Mais il ne peut pas faire cela. C'est pour ça qu'il y a les prescriptions par rapport au sabbat. Maintenant, le mariage a un concept d'après. C'est pour ça que j'en ai dit. Que si quelqu'un veut respecter le sabbat par rapport à lui-même, par rapport à son conseil, il est libre de le faire. Mais qui sait qu'il va fauter chaque fois parce qu'il va s'attacher sous la loi. Est-ce pour cela que Paul dit que ceux qui s'attachent sous la loi sont sous la malédiction? Donc vous venez de dire avec le pasteur Casque que c'est lui qui s'attache à l'œuvre de la loi. Parce que maintenant, si vous voyez, si on avait du temps ici, je devais développer en prenant tous les versets qu'il a pris, Exode chapitre 21, Deutéronome et au-delà, tout partout, Lévitique chapitre 18. Dans ce Lévitique chapitre 18, dont tu prends, vous voyez effectivement que c'est le cadre que Dieu a de respecter. On dit Dieu a donné la loi à cause de la transgression. Il y avait des transgressions dont Dieu a voulu régulariser. Et lui cite la parole du Seigneur Jésus-Christ en disant que quand Jésus a dit qu'il n'en était pas si ainsi au commencement, c'est pour lui dire qu'on ne doit pas fonctionner d'après le modèle du commencement. Vous voyez comment elle a tiré. C'est pour dire effectivement que dans Matthieu chapitre 19, tel que le Seigneur est en train de dire, ce que le Seigneur est en train de dire par exemple, c'est que comme c'était au commencement, après la chute, il faut qu'on revienne au modèle de la polygamie. D'accord. Mais vous allez remarquer que tous les disciples, sans exception, par exemple, je vais prendre l'apôtre Paul, lui, n'était pas marié. L'apôtre Pierre, lui, il était un singleton. Donc l'apôtre Paul, qui est l'un des grands évêques de l'église, était un mari à une seule femme. Mm-hmm. La Bible nous dit que le Seigneur qui est sorti de la synagogue, il allait guérir sa belle-mère qui avait la fièvre. Ah, l'apôtre Pierre. Oui, c'est ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit à partir du verset 4, il dit que n'avons-nous pas le droit de mener une sœur. Mm-hmm. Il parle de lui et Barnabas. Il dit que n'avons-nous pas le droit de mener une sœur avec nous comme le font les autres frères du Seigneur, les autres disciples du Seigneur, les frères du Seigneur et ainsi que Céphas. Mm-hmm. Donc ils menaient ça. Eux, ils avaient leur propre femme. Oui, effectivement. Ou bien c'est nous seuls qui avons besoin de travailler. Maintenant, permettez-moi vraiment d'entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Allez-y, frère, très rapidement. Donc, tout à l'heure, plus que 13 minutes avant la fin de l'émission. Allez-y, frère. Tout à l'heure, il a cité le cas de Matthieu chapitre 25, puis le cas de 2 Corinthiens 11. Et remarquez bien, il passe rapidement en disant que Jésus était polygame. Pour le cas de Dieu lui-même, j'ai expliqué effectivement qu'il y a scission. Mais c'est un peuple. De la même façon, vous ne pouvez pas lire Matthieu chapitre 25 et isoler. Remarquez très bien, dans ce Matthieu chapitre 25, nous avons vu le cas de Caco Philippe ici avec le cri de minuit. Il est question de 10 vierges, dont 5 étaient sages, l'autre. Donc quand il voit comme ça effectivement que les vierges sont ces deux groupes différents, mais dans l'entité de Christ, il y a l'église du Seigneur. L'église c'est au singulier. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que je bâtirai mes églises, il a dit que je bâtirai mon église. Ah, donc chaque fois quand il s'agirait de cette entité-là, l'entité sera au singulier. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 11, permettez-moi de lire cela rapidement. Allez-y, très rapidement, mon frère Junior, avant qu'on parte de ce programme. Mesdames, messieurs, participez à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85. 6 91 60 02 84. Allez-y, frère. 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 11, partie verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous le supportez, car je suis, écoutez très attentivement, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Il s'adresse aux chrétiens. Mm-hmm. Je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, il y a un seul Jésus et beaucoup de chrétiens. C'est sur ces bases qui se basent pour dire que voilà, chacun, que Jésus est seul, il y a plusieurs personnes. Mm-hmm. Or, si le pasteur, enfin, il est seulement malhonnête, il doit savoir que l'église, c'est l'ensemble. L'église, c'est l'ensemble, ce n'est pas un individu. Mm-hmm. Un individu n'est pas l'église. C'est l'ensemble de ces individus qui forment l'église au singulier. Mm-hmm. Donc, devant Dieu, il ne s'agit pas de Christ avec plusieurs personnes. Devant Dieu, c'est Christ et l'entité qu'on appelle épouse. Mais dans cette entité, donc, c'est l'église. Et cette église est composée de plusieurs membres. Ah, mais il dit ici, car je suis jaloux de vous. Il sait effectivement ce qu'il arrive parce que ce sont les versets qui doivent bloquer. C'est pour ça qu'il enchaîne avec ça rapidement pour contredire. Mm-hmm. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Regardez bien comment le verset finit. Pour vous présenter, il dit qu'il va vous présenter les chrétiens à Christ comme une vierge, une vierge, une vierge. Alléluia. Mmh. Et bien dans Éphésiens chapitre 5 verset 22, il va dire effectivement la même façon pour présenter cette église glorieuse, sans tache ni rite ni rien de semblable. Et maintenant, si ceci est complexe et que quelqu'un pouvait dire que jusque là c'est pas clair, Apocalypse chapitre 19 le verset 6 à 9 nous montre clairement de la manifestation de cette chose là. La Bible déclare qu'il y a une voix qui a commencé, que heureux ceux qui sont appelés dans les noces, dans la festin des noces de l'agneau. Car c'est l'heure de la festin des noces de l'agneau et son épouse. Ah d'accord. Permettez-moi de lire ça pour que les gens puissent. Allez très rapidement, frère Junior, encore deux questions, trois questions encore sur l'émission. Et on n'a plus que 10 minutes avant la fin de ce programme. Apocalypse chapitre 19, verset 6 dit, et j'ai entendu une voix. Apocalypse chapitre 19. Donc pardonne-moi à la maison, c'est le frère Billy ici et l'émission qui me presse là. Apocalypse chapitre 19, verset 6 et suivant dit. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7 maintenant. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, c'est soyez juste dont on parle de Matthieu 25 ici, mm-hmm. sont venues et son épouse est écrit là-bas. Ah, son épouse s'est préparée. On n'a pas dit ses épouses sont préparées. Ah, donc ce monsieur s'est en train de mentir les gens en tournant, en disant que Jésus-Christ lui-même a plusieurs épouses. Il y a une seule épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare qu'il lui a été donné, verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Après, Junior, oui, très rapidement, hein, oui, une personne donc qui se trouve dans la polygamie, c'est-à-dire mariée à plusieurs femmes, oui, devant Dieu, quelle serait sa situation devant Dieu? Il y a une chose par rapport à la situation de la rencontre de l'évangile, c'est au cas par cas. Il se pourrait qu'il y a des personnes, par exemple, qui vivaient avant de rencontrer l'évangile. On ne peut pas les séparer comme ça. Il faut seulement avancer dans la paix comme ça. Mais celui qui a écouté, déjà l'évangile connaît de la vérité, qui veut s'engager dans la polygamie, il en a attiré justement la malédiction sur lui. Mm-hmm. Parce que c'est un homme, une femme. L'apôtre Paul a dit, effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 7, par rapport au mariage, il a dit que du moins, par le temps qu'il court, que chacun est sa femme. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, par rapport au mariage. Mm-hmm. Que à cause de l'inconscience de notre chair, que chacun, pour éviter l'impudicité, que chaque personne est sa femme et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui est dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul a dit et c'est ce que l'Église enseigne. Enfin, on devrait être plus clair dessus. Si un homme qui a plusieurs femmes, oui, par exemple, oui, et se convertit, quelle, oui, devrait être sa femme? Non. N'essayez pas de dire, par exemple, qu'il doit chasser les autres femmes et rester avec une femme. Il doit continuer comme ça dans la paix, mais plus ajouter une autre femme. C'est ce qu'il doit faire. Mais il reste quand même polygame. Il reste polygame devant Dieu, mais il va en payer le prix. Prenons un exemple simple. Mm-hmm. Une fille qui a avorté, s'il croit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ah d'accord. Une fille qui a tué un enfant, qui a forniqué, qui a un enfant devant lui. Vous avez vu tout à l'heure dans la Bible que l'enfant, que les enfants nés d'une relation illicite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Mm-hmm. Je peux vous montrer pêle-mêle des serviteurs de Dieu et dans la Bible et dans la nature qui sont issus de la prostitution. Mm-hmm. Est-ce que vous saisissez? Mm-hmm. Ils sont issus de la prostitution, mais la grâce du Seigneur Jésus est venue les rencontrer. Pourtant, la Bible dit que les enfants nés d'une relation illicite n'entreront pas. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Ça se pose donc que si un homme est marié avec une femme dedans et qui part coucher avec une femme, comme on commet l'adultère, les enfants nés, vous voulez dire que ces femmes, ces enfants sont nés, ils sont condamnés comme ça? Ce n'est pas comme ça la miséricorde du Seigneur. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne son plan. La Bible déclare que les enfants de Dieu sont dispersés comme le sel sur la terre. Ils sont dans les égarements. Christ est mort pour réunir ses enfants de Dieu dans un seul corps. Ah, d'accord. Soit juif, soit grec, soit saint, soit esclave, soit libre. C'est-à-dire que le pasteur casse qu'il y a plusieurs femmes, si je décide de repentir, il doit continuer avec ses femmes. Ne vous inquiétez pas, je l'ai dit sur ces antennes. Les gens ne sont de m'écouter en RDC ou là-bas. Ils vont écouter ce qui va se passer là-bas. Le Seigneur va frapper là-bas pour l'amener à la correction. Mm-hmm. Donc ça veut dire que là où il se trouve, il va seulement arrêter et dit la vérité aux gens, s'est repenti, ressemblait tous ces pasteurs-là, et dit la vérité maintenant pour revenir à l'homme. Et inversement aussi, une femme qui se trouve dans un foyer polygamique, qui se répand de ses péchés et décide de marcher avec Dieu. Elle doit seulement continuer parce qu'elle y est entrée. Elle, mm-hmm, doit continuer. Mais si quelqu'un m'écoute et qui n'est pas polygame, qu'elle n'est pas encore, il ou elle ne s'est pas encore engagé, il faut faire un stop là maintenant et quitter cette voie. Là-dessus, frère Joël, il y a une question qui arrive dans mon esprit maintenant. Oui. Il nous est dit dans la Bible que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Ah, j'avais oublié cette question. Et maintenant, si quelqu'un, par exemple, a plusieurs femmes, oui, vous dites par exemple que s'il se convertit, il doit demeurer avec elle. Est-ce, oui, qu'il peut, dans cet état-là, oui, être évêque dans l'église ou en sortir de l'église? Et là maintenant, vous voyez effectivement que par exemple, le pasteur Karl est possédé. Le pasteur Karl, il lui faut la délivrance. Le pasteur Karl, il lui faut les impositions de mes mains. Grâce au radio Seigneur Jésus-Christ qui va le visiter. Je vous le dis. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Vous posez la question. En fait, la question, c'est ceci. Normalement, s'il croit vraiment et s'il se repent, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la Bible déclare que pour le cadre 1 Timothée chapitre 3, il est clairement dit que l'évêque doit avoir une seule femme, mari, une seule femme. Il doit quitter là, cet apostolat. Quitter cette position pour être en règle avec l'écriture, il doit quitter là-bas, mais demeurer avec ses femmes. Ah, donc, la charge d'ancienne, la charge pastorale, il doit quitter. Ah, d'accord. Maintenant, tout à l'heure, il a dit que concernant cette intimité, cela a été falsifié par les, par les Belges en 1900, je crois qu'il a noté 1948, mm-hmm, lors des édits, parce que ce sont les faussetés qu'on a encore. Maintenant, si vous lisez la version crampon, vous lisez la version vigoureux, parce qu'il a dit c'est en 1948 que les Belges ont féodé avec l'église catholique pour qu'ils puissent faire cela, pour venir dire, enseigner aux gens que ce n'est pas comme ça, qu'il faut qu'on interdise cela. La version vigoureux de 1902, la version Lausanne de 1872, la version Otama de 1874, David Martin, la version Zadok, la version de John Nelson Darby, la version de l'épée disent clairement que l'évêque doit être marié à une seule femme. Alors que les sacrificateurs sous la loi, c'était différent. Les sacrificateurs sous la loi pouvaient avoir plusieurs femmes, comme il en a décidé. Mm-hmm. La sacrificature, c'est pour ça que ça les embrouille avec les dîmes et autres là-bas. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la division entre les sacrificateurs, les lévites et autres, là, comme dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, il y avait le peuple, les lévites et les sacrificateurs. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu est unique sur la terre, ce sont les chrétiens. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres sur la terre. Ah, donc tous sont des prêtres. Mm-hmm. Au milieu de ces prêtres, donc, il a donc choisi une classe qui va diriger, pas pour dire que les classes sont totalement différentes. Mm-hmm. Est-ce que vous saisissez? Donc nous sommes tous un seul corps, mais c'est Christ seul qui est à la tête. Ah, il a jamais mis un homme à son égalité. Ah, donc c'est lui seul qui est à la tête. Nous tous, nous sommes les membres. La Bible n'a jamais été falsifiée à ce niveau-là. C'est, il tente de dire que c'est en 1948 que ça a été falsifié. Pourtant, la version, comme je dis, la version vigoureuse de 1902 montre cela. Il dit que la version du Seigneur, qu'il montre dans un verset antérieur qui parle de plusieurs évêques. Puisque la Bible montre clairement qu'il n'y avait aucun évêque au milieu de l'église qui était comme ça. Mm-hmm. Le cas de l'apôtre Pierre, j'en ai cité ici, le frère Jésus, le frère du Seigneur Jésus-Christ, tous étaient les hommes du Seigneur. Mais il existe quand même dans la Bible des passages qui sont falsifiés. Absolument. Il y a peut amener les gens à commettre des erreurs. Je prends un exemple simple que vous comprenez. Mm-hmm. Dans le livre que je tiens devant moi, dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16, j'ai cité ça tout à l'heure, la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Dans la version Louis II, celui qui a été manifesté en chair, vu par l'esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est écrit? C'est écrit, c'est lui, dans la version Louis II. Mm-hmm. Mais pourtant, dans l'original, c'est écrit Théos. Théos, normalement, c'est Dieu. Ah, d'accord. D'autres versions vont traduire comme la version d'Abi, Osterval, et ainsi de vont traduire Dieu a été manifesté en chair. Donc, cette version-là est bien. Mais jusque-là, je vais aller au-delà de cela pour dire ce n'est pas le problème de traduction. Comme je vous ai dit sur ces antennes-ci, il faut avoir la pensée de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit verset 12 et suivant que nous avons la pensée de Christ. Ah, d'accord. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, on ne peut pas les égarer. Mais est-ce qu'il y aurait parmi ces versions de Bible une version qui soit meilleure que l'autre? la meilleure version de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Voilà, il a également, on n'a plus que 4 minutes avant la fin de l'émission, il a également parlé des 10 vierges qui... Dans Matthieu 25, justement. Matthieu 25, oui. C'est ça que je viens de développer, qu'on ne peut pas lire, on ne doit pas lire Matthieu 25, 2 Corinthiens seul, isolé. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que l'Église a un cheminement, c'est l'Église. Tout à l'heure, on a vu, Jésus dit, effectivement, dans ce Matthieu chapitre 25, verset 6 à 13, il dit effectivement que comme l'époux tardait, tous s'assoupit, tous, et les vierges, ça, elles viennent forge. Mais elles ont dit que quand elle est venue, maintenant, on dit que voici, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Celle qui était prête à entrer. Alors, allons voir là où ils sont entrés. C'est cinq qui sont entrés. Mais le Apocalypse qui nous montre de la fête dit effectivement que c'est son épouse. Pourtant, on a dit que c'était cinq qui étaient entrés. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas cinq. C'est cinq-là qui constituent l'épouse. Les cinq individuellement ne constituent pas les épouses. Mm-hmm. Parce que vous savez, donc ça veut dire que cinq en termes de nombre, ce n'est pas chaque individu qui est l'épouse. Non. Nous formons tous ensemble l'épouse qu'on appelle donc l'église. Donc, c'est cette grande église, cette grande entité. Donc, mais c'est quand même étonnant, hein, frère Junior, de voir, parce que dans le cadre des chrétiens que Paul a fiancés, là sont les chrétiens qui forment une vierge. Absolument. Mais ici, on parle toujours des chrétiens, mais on parle plutôt des vierges. Des vierges. En fait, on parle des vierges par rapport à la souillure. C'est par rapport à la souillure. C'est pas la virginité au niveau de la parole. Comprendre ce qu'il veut dire. La pureté, c'est le parce qu'on a été lavé par la parole. Ce sont des êtres qui ont été lavés par la parole, prêts pour être sanctifiés. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que quand ils sont lavés comme ça, dans ces Apocalypse chapitre 19, verset 7, il a été dit qu'il a été donné des seins revêtus de fin limpide, éclatant pur. Et on dit là, ces fins-là sont les œuvres justes des saints. Ah, la Bible déclare que nous avons été donc créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc quand nous sommes enclassés en Christ, 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit effectivement que Dieu a mis dans le corps, pas dans les corps, dans le corps, chaque membre comme il a voulu. Mm-hmm. Donc chaque fonction, chaque chrétien fait fonction de membre. Donc un peu comme vous avez votre corps devant moi, comme je suis devant vous, ma main en train de bouger, en train de crier, que ma bouche est en train de parler. Mm-hmm. Chaque chose est à sa place, mais c'est moi, c'est tout moi qui forme donc de le corps. Donc il ne s'agit pas de chaque vierge étant l'épouse de Christ, et c'est tout le groupe qui est appelé vierge. Il a dit je vous ai fiancé comme une vierge, c'est ce que nous avons lu, pas comme des vierges, comme une vierge. On a vu cette vierge là entrer à la salle. En conclusion, Christ a une église et donc les chrétiens se devraient. Christ a une seule épouse et donc les chrétiens se devraient aussi avoir une seule épouse. Absolument, puisque le mariage c'est le type de Christ, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Merci à vous, frère Junior. Hein. Je vous remercie. On retrouve l'émission sur Bamba Iba. C'est la chaîne Bamba Iba sur YouTube. Bamba Iba. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Absolument, Bamba Iba, c'est la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à chacun. Billy Collard, c'est mon nom. Liv Landry a assuré la technique. On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition lorsqu'il sera 20h30 sur Dynamique FM. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Collard. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous dont nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Où vous êtes blanc, où vous êtes noir. Vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le temps. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde aussi. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre.